Ce panneau signifie que la circulation va s'effectuer dans les deux sens. Contrairement aux autres panneaux de danger, ce panneau est placé en position.